السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. من أسماء الله سبحانه وتعالى المقدم المؤخر، وقد ورد هذان الاسمان في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Chers auditeurs, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Muqaddim wal-Mu'akhir, celui qui avance les choses et celui qui les retarde. Ces deux noms font partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont été affirmés dans plusieurs textes. Parmi ces textes-là, le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, anil nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu kana yad'u bihada du'a, Allahumma aghfir li khati'ati wa jahli, wa israfi fi amri, wa ma anta a'lamu bihi minni, اللهم اغفر لي جدي وهزري وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. Dans ce hadith, Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait par la mention de cette dua: Ô Allah, pardonne-moi mes fautes et mon ignorance, mon excès dans tout ce que j'entreprends et dans tous ceux que tu connais mieux que moi. Ô Allah, pardonne-moi, que ce soit dans mon sérieux ou ma désinvolture, ma maladresse et ce que je fais délibérément. Tout ceci est en moi. Ô Allah, pardonne-moi ce que j'ai commis et ce que je commettrai, ce que j'ai commis en secret et en public, et ce dont tu as meilleure connaissance que moi. Tu es celui qui fait avancer et celui qui fait reculer. Et tu es omnipotent. Dans ce hadith, il y a la mention de ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. Tu es celui qui fait avancer et celui qui fait reculer. Cette invocation, cette demande de pardon, le prophète alayhi salat wa salam demandait à Allah azza wa jal de lui pardonner l'ensemble de ses fautes, et que tout cela est connu auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est une demande détaillée qui montre le besoin du serviteur face à son Seigneur. C'est une demande qui nous enseigne le comportement à avoir lors de dua, particulièrement dans la demande de pardon. C'est le détail qui est sage, qu'il est sage d'utiliser, afin qu'il y ait une plus grande servitude, afin qu'on montre notre besoin chez Allah subhanahu wa ta'ala et notre regret. Il y a un second hadith rapporté par l'imam muslim, selon Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, fi wasfi li salati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, Ali ibn Abi Talib nous décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa fihi yaqul thumma yakunu min akhiri ma yaqulu bayna at-tashahhud wa at-taslim. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Parmi les dernières paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre le dernier tashahhud et la salutation finale, il disait sallallahu alayhi wa sallam: Ô Allah, pardonne-moi. Ô Allah, pardonne-moi. Les fautes que j'ai avancées et les fautes à venir. Ce que j'ai commis en secret ou ce que j'ai commis en public. Mon intempérance et tout ce dont tu es mieux informé que moi. Tu es celui qui fait avancer et tu es celui qui fait reculer. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors de toi. Nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est toi. Dans ce hadith, nous avons l'affirmation de ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir » Tu es celui qui fait avancer et tu es celui qui fait reculer. Un troisième hadith, le hadith de Abdullah ibn Abbas, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Dans ce hadith, il y a l'affirmation des deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-muqaddim ou al-mu'akhir, celui qui fait avancer et celui qui fait retarder. Lorsque le prophète alayhi salat wa salam invoquait en disant anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir, tu es celui qui fait avancer et tu es celui qui fait reculer. Et à titre informatif, la mention de ces deux noms d'Allah Azza wa Jal est dans l'un des deux Sahihayn et non pas dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. La traduction de cette invocation et de ce passage, Ibn Abbas dit quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit pour prier, il disait « Oh Allah, toutes les louanges te reviennent de droit. » Oh Allah, toutes les louanges te reviennent de droit. Tu es celui par lequel les cieux et la terre et tous leurs habitants subsistent, alors que toi tu subsistes par toi-même. Toutes les louanges te reviennent de droit. À toi appartient le royaume des cieux et de la terre et de tous leurs habitants. Toutes les louanges te reviennent de droit. Tu es la lumière des cieux et de la terre. Toutes les louanges te reviennent de droit. Tu es le roi des cieux et de la terre. Toutes les louanges te reviennent de droit. Tu es la vérité. Ta promesse est vraie. Ta rencontre est vraie. Ta parole est vraie. Le paradis est vrai. Le feu est vrai. Les prophètes sont vrais. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vrai. L'heure est vraie. Oh Allah, c'est à toi que je me soumets. En toi que je crois. En toi que je place ma confiance. À toi que je me repens. En ton nom que je dispute. Et c'est toi que je prends comme arbitre. Pardonne-moi donc mes péchés passés et à venir. Et ce que j'ai commis en secret ou en public. Tu es celui qui fait avancer et celui qui fait reculer. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée, si ce n'est toi. وهذان الاسمان من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقرونا بالآخر، فإن الكمال من اجتماعهما والتقديم والتأخير وصفان لله عز وجل دالان على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وكمال حكمته، وهو من الصفات الذاتية لكونهما قائمين بالله والله متصف بهما. ومن الصفات الأفعال، ومن صفات الأفعال لأن التقديم والتأخير متعلق بمخلوقات ذواتها وأفعالها وأوصافها، متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعالها وأوصافها. L'auteur, Havidahullah Ta'ala, nous dit « Ces deux noms font partie des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'on appelle Al-Muzdawijatul Mutaqabila. Ce sont des noms qu'on ne doit mentionner que par pair, car la perfection n'apparaît qu'ainsi. Ce sont des noms qu'on ne doit mentionner que par pair. Leur sens, on pourrait dire qu'ils sont opposés. Et celui qui fait avancer et celui qui fait reculer. Comme al-awwal wal-akhir, le premier et le dernier. Donc dans le sens, c'est opposé. Dans le sens, c'est opposé. Donc ils font partie de ces noms dont les sens sont opposés, mais ils vont de pair. On ne peut les citer pour Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut en citer un qu'en citant l'autre. Pourquoi ? Car la perfection nous apparaît par leur juxtaposition. La perfection des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala nous apparaît lorsqu'on mentionne un après l'autre, lorsque l'un suit l'autre. Et at-taqdim wa at-ta'khir, faire avancer et faire reculer, sont deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous indiquent sa perfection absolue dans son omnipotence, sa perfection absolue dans sa volonté agissante, sa perfection absolue dans sa sagesse. Ce sont deux attributs, le fait de faire avancer et de faire reculer, deux attributs d'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont propres, yani Allah azza wa jal, on le définit avec ces deux caractéristiques. Ils font partie, d'un autre point de vue, des attributs d'action. Car le fait de faire avancer, de faire reculer, concerne ces créatures. C'est-à-dire, ceux qui sont touchés par le fait d'être avancés ou reculés sont les créatures d'Allah Azza wa Jal. En cela, c'est également des attributs d'action. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait quand il le veut, comme il le veut, avec sa pleine capacité et sa volonté de par sa sagesse. Subhanahu wa ta'ala. وهذا التقديم والتأخير يكون كونيا كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض. Je reprends. وهذا التقديم والتأخير يكون كونيا كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض كتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتها إلى غير ذلك من أنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير يكون شرعيا كما فضل الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض وفضل بعض عباده على بعض وقدمهم في العلم والإيمان والعمل والأخلاق وسائر الأوصاف وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك وكل هذا تبع لحكمته سبحانه يقدم من يشاء من خلقه لرحمته بتوفيقه وفضله ويؤخر من يشاء من ذلك بعدله. Ces deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avancer des choses et d'en retarder d'autres, peuvent être liés de manière universelle à certaines de ces créatures. Ça peut avoir un lien avec le décret. Ça peut avoir un lien de manière universelle. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé dans sa création, dans son univers, chez ses créatures, d'avancer certaines choses et d'en faire suivre d'autres. D'avancer certaines choses et d'en faire suivre d'autres. Donc d'en reculer, d'en retarder d'autres. À titre d'exemple, il a décidé d'avancer les causes. Il a décidé d'avancer les causes et de, yani d'avancer les causes sur leurs effets. Il met les causes avant les effets. Il met les causes avant les effets. Un autre exemple, les conditions avant le résultat, avant ce qui a été conditionné. Il a غير ذلك من أنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير. Tout comme dans d'autres champs d'application de ces attributs au sein de la création et par rapport au destin. Tout comme cela s'observe dans le domaine universel, on l'observe également dans le domaine religieux. Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé les prophètes sur les autres créatures. Et il a favorisé et préféré certains prophètes à d'autres. Il a favorisé et préféré certains serviteurs au-dessus d'autres. Il les a avancés de par la science, de par la foi, de par les bonnes œuvres, de par les traits de caractère, les bons comportements et d'autres qualités. De même, il a fait reculer d'autres personnes sur le même plan. C'est-à-dire, par la faiblesse de la science, la faiblesse des bonnes œuvres, la faiblesse dans le comportement et autres. Et tout cela est rattaché à la sagesse. Et tout cela est rattaché à la sagesse d'Allah, exempt soit-il de tout défaut. Il rapproche qui il veut parmi ses créatures de sa miséricorde, en leur accordant son assistance et ses grâces. Et il retarde qui il veut dans tout cela de par sa justice. Ainsi, celui qui a été rapproché, élevé, c'est par l'aide et l'assistance d'Allah. C'est par sa miséricorde et sa grâce. Et celui qui a été retardé, certes Allah n'opprime personne, c'est donc de par sa justice et son équité, subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ وَرَدَ هَذَانِ الْإِسْمَانِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي سِيَاقِ طَلَبِ الْغُفْرَانِ لِلذُّنُوبِ. Dans les trois hadith précédent. Quel est le contexte dans lequel ces deux noms ont été mentionnés? Nous avons médité ces trois hadiths passés. Quel est le contexte? On s'aperçoit que c'est la demande de pardon. On s'aperçoit que c'est la demande d'expiation des péchés. Et dans ces trois textes, il y a la mention des noms d'Allah, El-Muqaddim ou El-Mu'akhir, celui qui fait avancer, celui qui fait retarder. Donc, il nous faut méditer cela et chercher quel est le lien entre ces différents textes et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre cette demande et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a la mention des péchés commis en secret et des péchés commis en public. On a la mention des fautes involontaires et des fautes volontaires. Si on médite, on se rendra compte que le serviteur est retardé à cause des péchés. Le serviteur est retardé à cause des fautes. C'est cela qui l'anéantit. C'est cela qui lui amène la maladie du cœur, la maladie du corps, les soucis, la tristesse, l'affliction, l'anxiété, la paresse, la faiblesse, les problèmes dans son lien avec Allah, dans son lien avec les créatures d'Allah. À l'inverse, si on médite, on s'aperçoit que c'est avec l'absolution d'Allah, le pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah, que le serviteur est avancé, que le serviteur est élevé, que le serviteur va bien dans sa vie religieuse, dans sa vie dans la vie sociale, économique et familiale. Et tout cela est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le lien entre le contexte des trois récits prophétiques et la mention des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muqaddim et Al-Mu'akhir. Al-Muqaddim et Al-Mu'akhir. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vers Allah qu'il faut se tourner pour demander l'absolution des péchés, afin de sortir de ce retard et se diriger vers l'avancement et l'élévation. Donc je répète, on tire de ces hadiths, de ces textes prophétiques, que ce qui anéantit le serviteur et le retarde, ce sont les péchés, commis en public ou en secret, les fautes. À l'inverse, ce qui élève le serviteur, ce qui avance le serviteur, ce qui sauve le serviteur, ce qui amène le bonheur au serviteur, c'est le pardon d'Allah. C'est l'absolution des péchés accordée par Allah tabaraka wa ta'ala. Wal amru kulluhu lillah. Biyadi yakhfid wa yarfa. Wa yu'izz wa yudhil. Wa yu'ti wa yamna'. Man kataba Allah lahu 'izzan wa rif'atan wa taqadduman. لم يستطع أحد حرمانه من ذلك ومن كتب الله له ذلا وخفضا وتأخرا لم يستطع أحد عونه للخلاص من ذلك وفي الحديث ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه وكان يقول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والميزان بين يدي الرحمن أو الميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه ويرفعه رواه أحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. L'ordre tout entier est détenu dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ordre tout entier est détenu dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa main, il y a l'élévation et le rabaissement. L'affaire tout entière est dans sa main. Il anoblit et il abaisse. Il honore et il avilit. C'est lui qui élève, qui élève et c'est lui qui rabaisse. C'est lui qui honore et c'est lui qui avilit. C'est lui qui donne et qui prive. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala inscrit parmi ceux qui seront honorés, élevés, personne ne pourra l'en priver. Celui à qui Allah inscrit l'élévation et l'avancement, nul ne pourra l'en priver. Quant à celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala inscrit un avilissement, un rabaissement et une régression, nul ne pourra aider cette personne à sortir de cette situation et s'en défaire. En effet, on trouve dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: il n'y a pas un seul cœur qui ne se trouve entre deux des doigts du Seigneur des mondes. S'il le désire, s'il le veut, il le met sur la voie droite. Et s'il le souhaite, il l'égare. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait également, en invoquant son Seigneur, ou disait régulièrement en invoquant son Seigneur: ô toi qui retourne les cœurs, ou manipule les cœurs, ou bouleverse les cœurs, maintiens nos cœurs dans ta religion. Maintiens nos cœurs, raffermis nos cœurs dans ta religion. La balance est dans la main du Tout Miséricordieux. Il l'élève et la baisse. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, selon le compagnon An-Nawas ibn Sam'an. وفي هذا بيان أن العبد ليس إليه شيء من أمر سعادته أو شقاوته أو خفضه أو رفعه أو تقدمه أو تأخره. إن اهتدى فبهداية الله إياه، وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته، وإن ضل فبصرفه عن الهدى. وَإِنَّ الَّذِي يَتَوَلَّى قُلُوبَ الْعِبَادِ هُوَ اللَّهِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِمَا شَاءَ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ. À travers ces récits prophétiques, nous comprenons que le serviteur, n'a aucun contrôle sur les affaires liées à son bonheur ou son malheur, son élévation ou son abaissement, son avancement ou son recul. S'il se trouve bien guidé, c'est grâce à la guidée qu'Allah lui a accordée. S'il reste ferme dans sa foi, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a raffermi sur celle-ci. Par contre, s'il s'égare, c'est qu'Allah l'a détourné de la bonne voie. Nous tirons également de ces textes que c'est Allah azza wa jal qui prend en charge le cœur de ses serviteurs. Il les dirige comme il le souhaite. Aucun d'entre eux ne peut s'opposer. Aucun d'entre eux ne peut résister à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne parmi les créatures d'Allah azza wa jal ne peut résister à la volonté d'Allah azza wa jal quant à l'orientation donnée à son cœur en matière de guider ou d'égarement. Il les tourne comme il le souhaite. والعبد مع هذا محتاج إلى بذل المساعي النافعة وسلوك المسالك الصالحة التي يكون بها تقدمه ونيله رضا الله. والعبد مع هذا محتاج إلى بذل المساعي النافعة وسلوك المسالك الصالحة التي يكون بها تقدمه ونيله رضا الله. والعبد أو والبعد عن المسالك السيئة التي يكون بها تأخره ووقوعه في سخط الله، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي يتقدم بفعل ما يقربه من ربه ويدنيه من رضاه ودار كرامته، أو يتأخر بفعل المعاصي واقتراف الآثام التي تباعده عن رضا الله وتدنيه من سخطه ومن النار. ولا غنى للعبد في فعل ما في تقدمه والبعد عما في تأخر عن الرب المتقدم والمؤخر سبحانه. أعيد: ولا غنى للعبد في فعل ما فيه تقدمه والبعد عما فيه تأخره عن الرب المقدم والمؤخر سبحانه، فهو محتاج إليه في كل شؤونه، مفتقر إليه في جميع حاجاته، لا يستغني عن ربه ومولاه طرفة عين. Ajoutons à tout ce que nous venons de mentionner, c'est-à-dire la maîtrise absolue de cette affaire de guider et d'égarement par Allah subhanahu wa ta'ala, ajoutons, afin d'être sur le juste milieu, dans la croyance au décret et la volonté et le libre arbitre, le serviteur, avec tout ce qui a été mentionné, doit aussi ou a aussi besoin de fournir des efforts. Pour aller vers ce qui lui est profitable et cheminer sur les voies de la piété. Ces choses-là qui lui permettront d'avancer. Donc pour être avancé, c'est Allah qui décide, c'est Allah qui donne l'assistance, c'est Allah qui guide. Mais Allah nous a enseigné qu'il nous fallait nous faire les causes, emprunter les chemins de la piété, s'éloigner des chemins de l'égarement. Donc le serviteur doit emprunter le chemin du bien. Il doit emprunter le chemin des bonnes œuvres. Car avec celle-ci, il y aura son avancement. Avec celle-ci, il obtiendra l'agrément d'Allah. Tout comme il doit s'éloigner des sentiers de la désobéissance, des mauvais chemins, ces chemins à travers lesquels il y a son régressement, il y a sa retraite, ou bien il y a son régressement, il y a son retardement, et il y a l'obtention du courroux d'Allah et de sa colère. Comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans Suratul Muddathir, selon la traduction des sens de ce verset, pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer? C'est-à-dire, il veut s'avancer en accomplissant les œuvres qui le rapprochent de son Seigneur et de son agrément, ainsi que la demeure de ceux qu'il honore, c'est-à-dire le paradis. C'est-à-dire le paradis. Donc, qui veut s'avancer? Celui qui veut s'avancer, ce n'est pas avec la langue seulement. Celui qui veut s'avancer, c'est celui qui agit. Celui qui fait les bonnes œuvres. Ce qu'Allah lui a ordonné, puis ce qu'Allah lui a recommandé. Ainsi, il se rapproche d'Allah. Ainsi, il obtient son agrément. Ainsi, il opte pour le chemin du paradis. S'il ne choisit pas cela, c'est qu'il a choisi « at-ta'akhur », il a choisi de régresser, d'être retardé en faisant les péchés, en commettant les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces actes de désobéissance l'éloigneront de l'agrément d'Allah et le rapprocheront de sa colère ainsi que du feu de l'enfer. Puisse Allah nous en préserver. Et là, un point très important, chers auditeurs. Wala rinan lil abdi, le serviteur ne peut se passer pour pouvoir faire ce qui va le rapprocher et pour pouvoir s'éloigner de ce qui va le retarder de son Seigneur, du Seigneur, celui qui fait avancer et qui fait reculer, exempt soit-il de tout défaut. C'est-à-dire, il nous faut chercher l'aide chez Allah. C'est-à-dire qu'on ne peut réussir de par notre force et notre capacité seulement. C'est-à-dire, nous sommes besogneux. Nous sommes dans le besoin le plus profond de l'aide et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul d'entre nous n'a la capacité de faire un pas vers le bien, ni de s'éloigner d'un pas du mal, sauf si Allah Azza wa Jal l'aide dans cela. Ces sens-là, il nous faut les comprendre. Il faut les enraciner dans nos cœurs. On est faible, Allah est fort. On est pécheur, Allah est absoluteur. On est dans le besoin et Allah se passe largement des montres. On a besoin et Allah donne, assiste, raffermit, guide. Donc, pour réussir tout cela, il faut compter sur Allah. Il faut céder d'Allah. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour faire le bien, il faut céder d'Allah, il faut demander à Allah. Pour pouvoir délaisser le mal et ne pas être retardé, il faut céder d'Allah. Il faut demander Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans le plus grand besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son assistance et sa miséricorde, ainsi que sa pitié. L'ensemble des serviteurs ont besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala pour l'ensemble de leurs besoins et de leurs affaires. Ils ne peuvent se passer de leur Seigneur, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Ils ne peuvent se passer de leur Seigneur et de leur Maître, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et le temps d'un clin d'œil, et cette expression est mentionnée chez les Arabes pour nous dire le temps le plus minime. وَقَدْ فَتَحَ سُبْحَانَهُ أَبْوَابَهُ لِلْرَاغِبِينَ السَّائِلِينَ وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يَرُدُّ مَنْ دَعَاهُ وَلَا يُخَيِّبُ مَنْ نَادَاهُ الْقَائِلُ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُ فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم. اللهم اهدنا، اللهم اطعمنا، اللهم اكسنا، اللهم اكسنا أو اكسنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. الله سبحانه وتعالى nous a certes ouvert ses portes. الله تبارك وتعالى a ouvert ses portes aux désireux qui le sollicitent. À ceux qui désirent, à ceux qui lui demandent, Allah Azza wa Jalla a ouvert ses portes. Allah, exempt soit-il de tout défaut, ne rejette jamais celui qui l'invoque, ne désappointe jamais celui qui l'appelle. Il est celui qui nous dit dans le hadith à thème divin, ô mes serviteurs, Allah nous appelle. Toi, mon cher frère, Allah t'appelle dans ce hadith. Il m'appelle. Chère sœur, Allah t'appelle dans ce hadith. Chère mère, Allah t'appelle dans ce hadith. Ya ibadi, ô vous mes serviteurs. Allah nous anoblit tous par cette mention Il nous rattache à lui. Il nous donne ce lien de servitude, de servant face au maître, d'esclave face à notre créateur. Ya ibadi, ô vous mes serviteurs. C'est une appellation des plus nobles. C'est le rang le plus élevé, le fait d'être le serviteur d'Allah volontaire. Il n'y a pas plus noble que cela. Il n'y a pas meilleur que cela. Ainsi, celui qui médite le Coran et la Sunna, celui qui médite le Coran, verra que lorsqu'Allah Azza wa Jal a mentionné son meilleur prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses situations, dans ses stations les plus élogieuses, il l'a appelé serviteur. Il l'a appelé serviteur dans la da'wa, la prédication, la meilleure œuvre. Il l'a appelé serviteur. Dans le fait de recevoir la révélation, il l'a appelé serviteur. Dans le voyage nocturne, il l'a appelé serviteur. Et dans d'autres situations. Donc Allah t'appelle par ce terme élogieux. Il t'appelle et te fait yani, avoir envie d'entrer au nombre de serviteurs volontaires qui se soumettent avec amour et vénération, qui agissent avec crainte et espoir et un amour ardent de ceux qui se trouvent auprès d'Allah Azza wa Jal. Ya ibadi, ô vous mes serviteurs, kullukum dallun illa man hadaytu, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider et je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que je vais. Demandez donc moi de vous vêtir, je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous commettez tous des fautes. De jour comme de nuit, ou la nuit et le jour, la nuit et le jour, et je suis celui qui pardonne tous les péchés. Allahu Akbar. Et je suis celui qui pardonne l'ensemble des péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, et je vous pardonnerai. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous nourrir, de nous vêtir et de nous pardonner nos péchés, commis de jour comme de nuit. Inna iman al-abd bi anna Allah wahdahu al-muqaddim wa al-mu'akhir la sharika lahu yuthmiru kamal al-dhulli bayna yadayhi. وقوة الطمع فيما عنده والخوف منه سبحانه وعدم اليأس من روحه وعدم الأمن من مكره وحسن الالتجاء إليه رغبا ورهبا وخوفا وطمعا وحرصا ومسابقة إلى الخيرات والأعمال الصالحات. قال الله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Certes, la foi du serviteur, quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul à faire avancer et à faire reculer, sans que nul ne puisse s'associer à lui dans cela, apporte les meilleurs fruits. Conduit le serviteur à la perfection de l'humilité devant son Seigneur. conduit le serviteur à désirer avec force ce qui se trouve auprès de lui. Amène le serviteur à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Amène le serviteur à ne jamais désespérer de sa délivrance. Et en même temps, ne jamais se sentir à l'abri. Ne jamais se sentir à l'abri de son stratagème. Tout comme la foi en ces deux noms d'Allah, celui qui avance et celui qui retarde, celui qui fait avancer et celui qui fait retarder, amène le serviteur à se diriger de la plus belle manière vers Allah subhanahu wa ta'ala, avec désir et crainte, avec désir et effroi, avec crainte et espoir. Cela lui développe une haute ambition et le pousse à conquérir et à concurrencer les autres dans l'obtention des bonnes œuvres et du bien. Elle incite le serviteur à faire la course aux bonnes œuvres. Ainsi, on trouve dans la parole d'Allah, dans Sourate Al-Hadid, hâtez-vous donc d'obtenir le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que le ciel et la terre. Préparez pour ceux qui croient en Allah et ses messagers. Voici la grâce d'Allah. Il l'accorde à qui il veut. Car Allah, ou certes Allah, est le détenteur de l'énorme grâce. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala ici t'ordonne d'accourir vers son paradis, t'ordonne d'accourir vers son pardon. Et il t'informe que ce paradis a été préparé pour toi si tu es pieux, pour toi si tu crois en lui, si tu crois en ses messagers. Et ceci est l'énorme grâce de la part d'Allah et c'est lui qui l'accorde à qui il veut. Donc sois déterminé. Voici ce qui t'est profitable. Ne faiblis pas, sois endurant et aide-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre ce but. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit « Ihris ala ma yanfa'uk wa sta'in billah wa la ta'jiz » Sois déterminé et motivé dans ce qui t'est profitable. Et cherche l'aide auprès d'Allah et ne te décourage pas. Ne cesse pas, ne faiblis pas. N'interromps pas. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا وأتموا بي وليتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله رواه مسلم. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim selon le compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام alayhi salatu wassalam, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam constata que ses compagnons restèrent en arrière. C'est-à-dire, ils ne remplissaient pas en premier lieu les premiers rangs de la prière. Il leur intima alors, avancez et imitez-moi, et que ceux qui sont derrière vous, vous imitent. Les gens ne cesseront de rester en arrière jusqu'à ce qu'Allah les fasse reculer. Les gens ne cesseront de rester en arrière jusqu'à ce qu'Allah les fasse reculer. Méditez cette menace. Si on se retarde, nous, volontairement, d'aller vers le bien, de faire le bien, Allah nous retardera. À l'inverse, si on s'efforce de s'avancer vers le bien, et de faire des efforts pour être dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous avancera. Allah nous avancera. Car il nous dit dans son livre, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. À la fin de sourate Al-Ankabut, Allah nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, ceux qui font des efforts vers nous, nous les guiderons dans nos sentiers. Et certes, Allah est avec les bienfaisants. Certes, Allah est avec les bienfaisants. Pourquoi tu te retardes volontairement? Pourquoi tu n'accours pas vers l'obéissance d'Allah? Pourquoi tu ne délaisses pas le péché? Ne veux-tu pas être du nombre de ceux dont le cœur rayonne par la foi, dont le visage est resplendissant par la lumière de la foi, ceux dont la langue bouge par l'évocation d'Allah et sa mention, ceux dont les membres se lèvent, se baissent, avancent et reculent pour Allah, ceux dont les fronts se posent au sol pour Allah? Ne veux-tu pas être du nombre de ceux dont l'amour d'Allah déborde les cœurs, de ceux dont le désir ardent de le rencontrer se manifeste dans les mots, dans les actions, dans les prises de décision et de position? وَمِنْ ثِمَارِ الْإِيمَانِ بِهَذَا الْإِسْمِ الْحِرْسُ عَلَى تَقْدِيمِ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَتَأْخِيرِ مَا أَخَّرَ. Et parmi les fruits de la foi en ces noms d'Allah, celui qui avance, celui qui fait avancer, celui qui fait retarder, le fait de donner prévalence à ce qu'Allah a fait avancer et de retarder ce qu'Allah a retardé. Nous devons suivre la volonté d'Allah dans ce qu'il a préféré et dans ce qu'il a retardé. Ce qu'Allah a fait passer en premier, nous devons le faire passer en premier. Ce qu'Allah a mis en avant, nous devons le mettre en avant. Ce qu'Allah a retardé, nous devons le faire reculer et le faire passer en second plan. Ceci est un des effets de notre croyance en ces noms d'Allah. Al-Muqaddim ou Al-Mu'akhir. Celui qui fait avancer, celui qui fait reculer. Allah fait passer avant tout At-Tawhid, la croyance authentique. Donc nous devons faire passer avant tout la connaissance d'Allah, le Tawhid, la croyance authentique. Allah a fait passer avant les autres, les prophètes, les messagers et leurs héritiers, les savants. Donc nous devons les faire passer en premier. Allah a fait passer en premier les gens pieux, les gens bons, les gens généreux. Nous devons les faire passer en premier. On ne doit pas faire selon nos passions, mais on doit faire selon ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu. Car c'est le muqaddim et le muakhir. Ce qu'Allah fait passer en premier, c'est ce qu'il faut faire passer en premier. Et ce qu'Allah a mis en second plan, c'est ce qu'il faut faire passer en second plan. Ensuite, nous devons faire passer la prière avant nos occupations, avant la dunya. Nous devons faire passer avant l'agrément d'Allah, avant l'agrément des créatures. Et ces principes-là sont très importants, il nous faut les développer. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله والبداءة بما بدأ به ولهذا بدأ بالصفا في السعي وقال نبدأ بما بدأ الله به وبدأ بوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم في الوضوء ولم يخل ولم يخل بذلك مرة واحدة ولم يخل بذلك مرة واحدة وهكذا في جميع أمور الدين والواجب كذلك تقديم من قدمه الله وتأخير من أخره ومحبة من أحبه الله وبغض من أبغض وإن هذا أوثق عرى الإيمان. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait une grande importance à suivre ce procédé en faisant passer en premier ce qu'Allah faisait passer en premier. C'est pour cela que dans As-Sa'i, c'est-à-dire les allées entre As-Safa, le mont As-Safa et le mont Al-Marwa dans la Umrah ou bien le Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait passer en premier As-Safa. Il commençait par As-Safa et il finissait par Al-Marwa. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal a mentionné Safa en premier dans le verset. Inna Safa wal Marwata min sha'a'irillah. Et il déclarait, sallallahu alayhi wa sallam, nous débutons par ce qu'Allah a cité en premier. De la même façon dans les ablutions, il commençait par laver le visage, puis les mains, et ensuite, il essuyait la tête. Et pas une seule fois, il n'a dérogé à ce principe. Cette parole est dans Bada'i' al-Fawa'id ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Et c'est ainsi que dans toutes les affaires religieuses, nous devons procéder. Nous devons procéder. Il est également de notre devoir de donner priorité à ce qu'Allah a établi en priorité et de différer ce qu'Allah a mis en dernier lieu. Il réside aussi dans le fait d'aimer ce qu'il aime et de détester ce qu'il déteste. Et c'est la lance la plus solide de la foi. Celui qui a foi en ces deux noms d'Allah devra donner prévalence à ce qu'Allah a aimé et faire passer en premier ce qu'Allah a aimé. Et il devra retarder ce qu'Allah a retardé. Tout comme il devra aimer les gens qu'Allah a aimés. Et il devra détester les gens qu'Allah a détestés. En effet, cela est l'anse la plus solide de la foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ainsi, le serviteur complète sa foi. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. فنسأل الله سبحانه وتعالى وقبل ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا. اللهم يا حي يا قيوم اطعمنا. اللهم يا ربنا يا رزاق يا رزاق يا رب العالمين يا جواد يا كريم يا رحيم يا غفور يا غفار يا تواب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم تب علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم تب علينا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بلغنا رمضان. بلغنا رمضان يا رب يا رب يا رب بلغنا رمضان. اللهم عنا على صيامه وقيامه. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم إنا عبيدك. اللهم إنا عبيدك المفتقرون إليك يا رب لا نستغني عنك طرفة عين. اللهم إنا نسألك توفيقك. اللهم إنا نسألك توفيقك. اللهم إنا نسألك توفيقك. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.